deuxième temps d'une série de La Fabrique de l'Histoire consacrée au secret. Aujourd'hui, le documentaire. Après vous avoir parlé hier des secrets des princes médiévaux, mais aussi ceux de l'administration américaine dans les années 1910-1930, et avant demain d'évoquer la diplomatie secrète dans la Rome républicaine et de l'Empire, plongeons-nous aujourd'hui dans la vie d'un personnage romanesque. Comment travaille-t-on quand on est historienne ou historien sur un personnage qui a mis le secret au cœur de son action de conseiller de l'ombre de la 5e République? Il s'appelait Jacques Foccart, et maintenant beaucoup d'historiens et d'historiens choisissent de travailler sur ce personnage-là à partir d'archives qu'il a déposées tout ou partie aux archives nationales. Entre secrets, sources et fantasmes, les historiens et le cas Foccart, c'est un documentaire de Victor Massé de L'Épinay et Marie-Laure Ciboulet, avec les témoignages et les analyses de Pierre Péan, de Jean-Pierre Batte, de Frédéric Turpin et de Karine Ramondi, jusqu'à 10h dans La Fabrique de l'Histoire ce matin. Arrivé ce matin à Bamako, M. Jacques Foccart, secrétaire d'État à la présidence de la République française, chargé des affaires africaines et malgaches, assiste ce soir à une réception officielle offerte par le président de Keïta. Il y a tout, quoi. Il y a des trucs américains, il y a des trucs français. C'est dans ces termes que M. Jacques Foccart a précisé le cadre de son voyage en terre malienne. Je voudrais que ce voyage soit sous le signe de l'amitié profonde qui lie le peuple malien et le peuple français. C'est l'état-major du général Koenig. Oui, parce que c'était l'histoire de Cloué des Perruches qui travaillait avec lui. Donc je m'intéressais évidemment. Et Réseau Plan Tortue, le pseudonyme de Binot, c'était Foccart. Je voudrais également que ce voyage donne l'occasion de contact. Attention ! Voilà les barbouzes ! Entre secrets, sources et fantasmes, les historiens et le cas Foccart. Victor Massé de L'Épinay, Marie-Laure Ciboulet. Chacun son style. J'ai les papiers sur les réseaux Foccart faits par les agents du ZEC et de la DGSE. C'est quand même pas rien. Hein. Il y a plein de gens, les trafiquants d'armes. Tout ça, c'est. Trafiquants d'armes, banques, principaux mercenaires. On voit des noms. Voilà, regardez, réseau Foccart, les histoires avec elle. Il faut distinguer ce qu'il a été de l'image posthume qui est la sienne. Ce qu'il a été, tout simplement un gaulliste pur et dur, qui a poursuivi sa carrière ensuite auprès du président Georges Pompidou, puis auprès de Jacques Chirac, jusqu'à son décès en mars 1997. Du point de vue de l'image, par contre, c'est une véritable légende noire, puisque c'est l'homme des coups tordus, des barbouzes, de la France-Afrique, bref, de tout ce que la Ve République, depuis ses origines, ne souhaite pas mettre en valeur. Et ça, il y a une date, novembre 75. On ne sait pas qui a fait ce document. Ah ben non, mais ça, c'est tout le principe, hein, quand même, ce sont des blancs. Hein. Et puis là, regardez, récapitulation des contacts depuis l'ouverture des lignes. Vous voyez, j'ai des rapports d'écoute. Des rapports d'écoute. Tout ça, c'était des types d'USDEC qui faisaient ça contre Foccart. Je pense qu'il serait vraiment présomptueux pour un historien de dire « je vais faire tomber le secret ». Parce que les réseaux et les systèmes sont extrêmement bien tissés. Et je pense que le rôle de l'historien, c'est d'entacher ce secret en mettant des petits faisceaux de lumière qui, petit à petit, aident les autres chercheurs à mettre totalement en lumière certains aspects. Voilà, activité de ressortissants algériens. Tout ça, c'est des gens qui, plus ou moins, sont dans le système Foccart. Vous avez des noms. Et hypothèse sur l'exécution, avec encore le truc de confidentielle défense. Enfin, moi, je le dis en toute conscience. Jacques Foccart, février 1986. Toutes ces histoires qui, bien souvent, ont été mises en avant pour porter des préjudices. Ce sont des histoires fausses et la politique de la France, c'est pas menée à coups de, comme on dit, de barbouze, de coups d'État, de mauvais coups. Et c'est pas notre genre, c'est pas le genre, croyez-moi, du général de Gaulle, qui était la netteté, la limpidité même, et c'est pas le genre de Pompidou qui était le digne successeur de général de Gaulle. Travailler sur Jacques Foccart, faire la lumière peu à peu sur cet homme de l'ombre. démêler la vérité de la légende, collecter les témoignages, plonger dans les archives, croiser les sources et tenter, peut-être, pas à pas, d'établir une vérité. En allant les interroger, notre idée n'était ni de dresser un portrait intime de Jacques Faucard, ni de détailler précisément l'organisation et le travail de ces six fameux réseaux, moins encore de sortir un éventuel scoop. Si la vie de Jacques Faucard sert de toile de fond à notre propos, ce que nous voulions, c'était comprendre comment on travaille sur un homme tel que celui-ci qui a mis le secret au cœur de sa vie et de ses activités. Quelle méthode, quels écueils, quels questionnements. Pierre Péan est journaliste d'investigation. En 1990, du vivant de Jacques Faucard, il publie le premier livre sur le sujet, L'homme de l'ombre, élément d'enquête autour de Jacques Faucard, l'homme le plus mystérieux et le plus puissant de la Ve République. Je parlais déjà dans Affaires africaines beaucoup de Jacques Faucard et j'avais appelé même le Gabon comme Faucardland. C'était donc tout à fait logique de savoir qui était ce personnage que moi j'avais vu au Gabon dès 1964. J'avais vu au Gabon les premiers éléments de la patte de Jacques Faucard. Et quand vous avez commencé à travailler sur Jacques Faucard, donc spécifiquement à la fin des années 1980, Pierre Péan, qu'est-ce qu'il représentait pour vous? C'était qui ou peut-être c'était quoi Jacques Faucard? Alors ça, je l'ai découvert petit à petit. Autant je le savais puissant sur l'Afrique francophone, mais je n'avais pas travaillé sur le personnage dans son entier. Et donc ce qui m'est apparu au fil de l'enquête, c'est que c'était un des hommes. Est-ce que c'était l'homme le plus puissant autour du général de Gaulle? On peut pas le dire de façon forte, mais probablement un des hommes le plus fort. Il voyait le général de Gaulle tous les jours. Il avait les mains libres absolues sur l'Afrique. Et je suis convaincu que, au fond, il y avait le général de Gaulle qui faisait officiellement tout dans le légal et Faucard était sa main illégale, avec, au fond, tous les pouvoirs. Jean-Pierre Batte est archiviste et historien, auteur de plusieurs ouvrages sur la France-Afrique, la fabrique des barbouzes, le syndrome Faucard. Il nous explique comment il en est venu à travailler sur ce sujet. Alors dans mon cas, c'était un peu un hasard, puisqu'en réalité, quand j'étais à l'école des chartes, je voulais travailler sur l'Afrique. Hein, et que comme on avait un cas pratique à exécuter, on m'a orienté vers les archives nationales qui avaient, à l'époque, un peu plus de 400 mètres linéaires, semi-vrac, avec un premier pré-inventaire d'archives où on m'avait dit il y a le fond d'une structure qui s'appelle le Secrétariat Général des Affaires Africaines et Malgaches, l'ancêtre de la cellule Afrique de l'Élysée, qu'on surnomme le fonds Faucard. Quand vous avez commencé à travailler sur ce fonds, qu'est-ce que Jacques Faucard représentait pour vous? Alors, assez bizarrement, rien, parce que j'avais 20 ans et je ne savais pas qui était Faucard. Moi, je voulais m'intéresser à l'histoire de l'Afrique et je ne connaissais pas Faucard. Donc, je suis arrivé un peu vierge de toute opinion et je découvre comme ça, au début des années 2000, les conflits de mémoire qu'il y a autour de lui, la légende noire, la légende rose, les écrits de Pierre Péan, le journal de l'Élysée qui venait d'être édité post-mortem à la suite de ses entretiens avec Philippe Gaillard. Donc je veux dire, j'arrive sur un sujet où, il faut le dire, beaucoup de personnes, et prioritairement des journalistes, avaient déjà travaillé et avaient en fait cherché, comme tout journaliste d'investigation, à ouvrir un peu la boîte noire de cette cellule Afrique de la présidence de la République qui faisait énormément fantasmer. Alors il faut rappeler qu'à l'époque, Omar Bongo, le général Yadema, toutes ces personnes qui étaient parvenues au pouvoir sous Jacques Faucard étaient encore au pouvoir et ça pesait un peu dans le climat de la recherche. Et puis ils ont disparu, Yadema en 2005, Bongo en 2009. Cet effet de disparition, quelque part, facilitait beaucoup le travail. Non pas qu'il y ait des blocages formels, mais parce qu'au fond, tout ça était renvoyé définitivement dans l'histoire et plus dans l'actualité. Donc moi, j'arrive vraiment, comme un médecin légiste, après les événements. Frédéric Turpin est historien, spécialiste du gaullisme et de la décolonisation. Pour publier en 2015 une biographie, Jacques Faucard dans l'ombre du pouvoir, il s'est plongé dans le fonds Faucard des archives nationales. Alors, ces archives, et je le dis en tant que biographe et aussi historien, ces archives sont formidables pour écrire l'histoire des relations franco-africaines. Parce qu'on a toute la machinerie élyséenne, mais aussi toute la machinerie gouvernementale française. En revanche, pour écrire une biographie sur Jacques Faucard, donc d'essayer de trouver la part personnelle qui revient à Jacques Faucard dans les prises de décision, ces documents ne sont pas forcément les plus évidents. Il m'est arrivé de faire 6 à 8 cartons dans une après-midi, mais en même pas une heure, tout était bouclé parce que je ne trouvais rien intéressant directement Jacques Faucard, si ce n'est la politique française de manière générale, mais bon, un stage des bûcherons de Centrafrique dans les forêts d'Auvergne, vous doutez bien que ce n'est pas franchement intéressant, a priori en tout cas, même je peux le dire maintenant a posteriori, pour la biographie de Jacques Faucard. Karine Ramondi a soutenu en janvier 2018 à Paris 1 une thèse intitulée 1958-1961, l'assassinat des leaders africains, un moment de construction nationale et de régulation des relations internationales. À partir du moment où on commence un sujet comme ça, la première personnalité qui nous vient à l'esprit, c'est la personnalité de Jacques Faucard. Et on commence les recherches en se disant est-ce que je vais moi trouver quelque chose qui va pouvoir prouver quelque chose. Ça c'est au début de la recherche, on est plein d'illusions, on a une sorte de charge affective sur les archives en se disant pourvu que j'arrive à trouver finalement quelque chose que les autres n'ont pas réussi à mettre en lumière. Et j'avoue que je m'y suis plongée avec beaucoup de, je dirais pas de plaisir, parce que malheureusement j'ai découvert parfois des archives qui psychologiquement sont un peu dures à travailler. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qui ressort en tous les cas de cette thèse, c'est qu'elle est un peu écrite comme un roman policier, en essayant bien sûr d'être le plus scientifique possible, puisqu'il ne s'agit absolument pas de faire de l'exégèse à partir de ce que Faucard aurait fait, et d'en dire, certes, beaucoup, mais le plus exactement prouvé. Les histoires d'assassinats, de disparitions et autres. Jacques Faucard, février 1995. Tout ça, ce sont des légendes. Alors, je sais bien que ça a créé un mythe, que ça a effrayé certains. C'est faux. C'est un. Il n'y a même pas un petit peu de vrai pour entretenir la légende ? Non. On a une image un peu tronquée de Jacques Faucard, et d'ailleurs, il suffit de relire les articles nécrologiques de 1997, au moment de sa mort, où on a parlé quasiment que du décès de Monsieur Afrique, du général de Gaulle, de Georges Pompidou et de Jacques Chirac. Or, à la base, Jacques Faucard est entré au Rassemblement du peuple français, c'est-à-dire le parti d'opposition du général de Gaulle à la 4e République, qui a été fondé en 1947. Il est entré comme chargé de mission, en charge de territoires bien spécifiques, qui n'étaient pas l'Afrique, dont il n'est pas un connaisseur à cette époque, mais qui étaient les Antilles françaises, puisque par sa mère, il est originaire de la Guadeloupe. Donc il commence sa carrière auprès du général de Gaulle en 1947, sur ces questions antillaises, et dans le même temps, il est chargé d'organiser le mouvement, le rassemblement du peuple français, donc dans l'ouest de la France, essentiellement dans les départements où il a agi comme responsable de réseaux de résistance. La Seconde Guerre mondiale et la résistance, c'est une matrice pour le personnage de Jacques Faucard. C'est un élément probablement clé, parce que rien, a priori, dans la biographie de Jacques Faucard initialement prédisposait à une telle carrière politique. Donc c'est un moment fondamental parce que c'est une sorte d'accouchement à une forme d'action, d'engagement politique à travers des réseaux d'action. C'est le réseau Action Plan Tortue en Normandie pour l'essentiel. Alors c'est une des zones d'ombre précisément de la biographie de Jacques Faucard, de savoir comment il est entré en résistance. On lui reproche d'être entré tardivement, c'est-à-dire essentiellement à partir de 1943, dans la résistance, et auparavant d'avoir eu un rôle pas spécialement résistant, voire peut-être même d'avoir collaboré, puisque Jacques Faucard dirigeait une exploitation forestière qui fournissait évidemment du bois pour la construction des blocos du mur de l'Atlantique. Donc c'est un élément qui reste très controversé, sur lequel nous n'avons pas réellement de sources nouvelles depuis la biographie de Pierre Péan ou mon travail de 2015 sur le personnage. Après avoir lu votre livre, Pierre Péan, Faucard n'a pas jugé utile, enfin vous n'avez pas eu de discussion sur des points précis, son entrée tardive en résistance par exemple, il n'éprouvait pas le besoin de contredire ça. Il ne m'a pas dit un mot sur la résistance. Moi, je sais pas, j'ai le sentiment que si j'avais été Faucard, le premier point sur lequel, parce que tout le reste, bon, il est en mission, pour la France, il en met 100 pour Général de Gaulle. Mais sur la résistance, par contre, ce que je dis est terrible. Il ne m'a pas contesté un mot. Ce que vous dites, c'est donc qu'il a... entreprise, qui était une entreprise de bois, ouais, a servi... Bah, il travaillait pour l'organisation TOT, à des dates où il dit qu'il est dans la résistance. Et donc, son dossier résistance n'est pas bon. Et il n'a jamais dit un mot là-dessus. Mais est-ce que ce n'est pas une des caractéristiques de Focard de ne... Justement, jusqu'à un certain moment de sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, de ne jamais répondre et d'entretenir par son silence. C'est vrai. C'est vraiment un moment clé. Jacques Chaban-Delmas évoquait la franc-maçonnerie de la résistance, si vous voulez, pour bien montrer, au-delà des clivages partisans, l'importance de ce moment fondateur de la résistance. Donc Jacques Focard, comme bon nombre d'autres résistants de gauche, de droite, les communistes, etc., était marqué de manière indélébile par cet engagement qui a bien failli leur coûter la vie, en particulier à Jacques Focard, car ce n'est pas une résistance d'opérette qu'il a menée en 1944. Il a risqué plusieurs fois sa vie dans des coups de main contre des troupes allemandes. Donc c'est un moment clé, et il est vrai qu'ensuite, une partie des cercles de relations de Jacques Focard ont été fondés sur la notion de confiance et donc sur un passé commun qui les liait très fortement, c'est-à-dire la résistance. Il est d'abord un homme lige du général de Gaulle. Un homme lige qui capitalise sur les réseaux issus de la résistance, sur les réseaux, à partir de là, issus d'une corporation qui subit de plein fouet les guerres coloniales, c'est-à-dire les services spéciaux, et enfin sur une corporation anticommuniste et anti-4ème République, qui fait que le bureau de Focard, ce n'est pas le seul, il faut bien le préciser, mais que le bureau de Focard en 1958 est l'épicentre d'un foisonnement. Alors il y a toute la bande, il y a Guichard, Debré, mais pour beaucoup de personnes, Focard représente cette espèce d'esprit des gaullistes sortis de la résistance, dont la culture se prolonge, ça c'est un aspect qu'on ne dit pas assez, à travers les amicales des anciens. Et il est donc un homme politique assez particulier, puisqu'il n'a pas de mandat politique au sens électoral ou électif du terme, mais en revanche, il incarne un espace politique qui va être capitalisé au bénéfice des gaullistes. La particularité de Jacques Focard, à la différence des autres collaborateurs du général de Gaulle, c'est qu'il n'a jamais été fonctionnaire. Donc, il n'a pas été conseiller d'État, ambassadeur ou autre. Jacques Focard a toujours été un homme de l'entreprise privée. Donc, il a fondé sa société en nom propre en 1944, la Safiex, qui est une société d'import-export avec les Antilles, puis l'Afrique, l'ensemble ultramarin, on va dire, français de l'époque. Et parallèlement à ses activités politiques, comme chargé de mission au sein du RPF, puis secrétaire général adjoint du RPF, puis secrétaire général du RPF à partir de 1955, Jacques Focard continue son activité de commerçant, si j'ose dire, d'importateur, avec les pays d'outre-mer français. Il n'a jamais été fonctionnaire et il n'a jamais non plus, tout au long de sa carrière, été élu. Alors, ça fait partie de la légende, parce qu'en fait, il a été élu une fois, mais pas au suffrage universel direct. Il a été élu comme conseiller, on appelait ça l'Assemblée de l'Union française, qui était la troisième assemblée parlementaire de la 4ème République. Donc, de 1950 à 1958, Jacques Focard est parlementaire. Et c'est important, cette question, parce que c'est là qu'il a rencontré un certain nombre de dirigeants ou de futurs dirigeants des États d'Afrique francophone, qui à cette époque siègent très souvent au sein de cette Assemblée de l'Union française. Et lorsque le général de Gaulle revient au pouvoir à la suite de la crise du 13 mai 1958, Jacques Focard revient avec lui à Matignon, puis passera à l'Élysée comme conseiller technique du général de Gaulle, chargé des affaires africaines et malgaches, ça tout le monde ou presque le sait, les articles nécrologiques de 1997 en témoignent, mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il est aussi chargé des questions de renseignement à l'Élysée auprès du général de Gaulle. Donc c'est lui qui fait l'interface entre le directeur du SDEC et le général de Gaulle lui-même. Et à cette époque, il y a beaucoup d'affaires en cours, notamment toute la politique dite d'homicide des soutiens du FLN, des trafiquants d'armes en faveur du FLN, etc., etc. Qu'est-ce que c'est le SDEC, Jean-Pierre Abatte, et quel rôle Jacques Focard y a joué, officiel ou officieux? Alors le SDEC signifie Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage. Documentation est un euphémisme dans le vocabulaire des années 40-50 pour dire renseignement. Contre-espionnage, c'est assez évident. Le SDEC est créé en 1946 pour fédérer la nébuleuse des services de renseignement issus de la Seconde Guerre mondiale. Ça deviendra en 1982 la DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Jacques Faucard est en fait, à l'issue de la guerre, officier de réserve du service action de ce SDEC. Autrement dit, en tant qu'ancien agent de la résistance des services secrets gaullistes, il a une carrière militaire dans ses services de manière active et opérationnelle jusqu'en 1945-46, et après de manière réserviste. Ça signifie qu'il va aller, avec des périodes et des fréquences qui évolueront dans le temps, il va aller faire ses périodes de réserve en faisant du saut en parachute à Cercotte ou dans la Méditerranée, en manipulant des armes, en faisant tous ses stages. Il atteindra à terme le grade de colonel de réserve du service action du SDEC, restera toujours lié à ce service action dont il protégera souvent les intérêts, hein, notamment en 1962, quand le service action est menacé d'être liquidé à la fin de la guerre d'Algérie. Faucard fait valoir tout l'intérêt de maintenir cette branche. Maintenant, il n'y avait pas de fonction hiérarchique. Il était pour tous ces officiers, notamment pendant la 4ème République et les guerres coloniales, une sorte de boussole politique et leur lien avec le gaullisme. Il n'était pas le patron du service action du SDEC. Mais dans la réalité, le vrai patron du service action, c'était lui. Hein. Moi, je me rappelle avoir été à Chantilly voir un des anciens patrons du service action, qui était un type qui était complètement dévoué. Autrement dit, pour comprendre Faucard dans les années 50 et y compris en 58, faut bien avoir dans la tête qu'il maîtrise le service action. Il peut en faire ce qu'il veut, ce qui lui donne évidemment un pouvoir qui ne correspond pas du tout à son CV officiel. En fait, c'est quelqu'un à plusieurs CV. Et à mon avis, le CV principal, c'est ça. C'est en fait sa parole avec le général de Gaulle et son lien très étroit avec les gens du service action qui sont une partie des anciens du BCRA, genre Bob Maloubier, des gens qui considèrent que les lois, c'est pas ça qui est déterminant, ce qui compte, c'est une certaine vision de la France, etc., et qu'ils estiment eux-mêmes posséder cette légitimité pour faire des choses que la loi condamne. Et donc, sur 58, il a mené des actions avec les services secrets, le service action, pour le retour du général de Gaulle. Le problème qui se pose fondamentalement, c'est que le général de Gaulle au pouvoir, dans ses débuts de la Ve République, a dû avoir recours à des méthodes assez expéditives pour sauver la République française à ce moment-là et empêcher un certain nombre de groupes factieux de prendre le pouvoir, tout simplement, ou de le renverser ou de l'assassiner. Et Jacques Faucard fait partie des gens, des chevilles ouvrières, qui conduisent cette politique globale de l'État français contre le FLN, bien sûr, contre aussi et surtout l'OAS. Et de ce point de vue-là, il est évident qu'il mérite une partie de sa légende noire parce que ces méthodes sont des méthodes expéditives, des méthodes d'urgence, comme on en a connu pendant la résistance, à la libération, devant un danger qui est tel pour la République qu'il faut agir, y compris en dehors de toute forme de légalité républicaine. Donc il y a les services secrets, le SDEC. Mais il y a aussi le SAC, Frédéric Turpin, le SAC qui protège plus spécifiquement le général de Gaulle et son parti. Il est clair qu'en 1960, au moment où le général de Gaulle enclenche le processus d'autodétermination de l'Algérie à partir donc de sa conférence de presse du 16 septembre 1959, le parti gaulliste va connaître un certain nombre de secousses internes et externes. Donc on remet en place l'équivalent d'un service d'ordre. Le SAC, c'est-à-dire le service d'action civique, fondé sur des militants purs et durs, c'est-à-dire a priori des vrais gaullistes, qui ont en plus la particularité de pouvoir faire le coup de poing si nécessaire. Donc on ratisse assez large auprès des anciens du service action, des anciens parachutistes, des anciens résistants aussi, tout simplement, qui ont gardé un certain nombre d'habitudes, y compris de combats de rue si nécessaire. Il faut bien imaginer que la vie politique à l'époque est autrement plus violente que ce que nous connaissons à l'heure actuelle. Le problème du SAC, c'est que très rapidement, vous avez aussi des gens peu avouables qui se sont mélangés aux militants purs et durs du gaullisme. Notamment parce que dans les gros bras ont été recrutés des gens de la pègre ou d'autres milieux interlopes et que progressivement, le SAC va connaître un certain nombre de bavures, de grosses bavures qui vont défrayer la chronique jusqu'à la tuerie d'Auriol en 1981. Or, Jacques Faucard est un des fondateurs du SAC. Il en est resté très longtemps le patron hors hiérarchie. Et Focard, dès 62-63, a droit à son lot d'articles, y compris dans Le Monde, hein, de Pierre Vianson-Ponté, qui le présente comme le nouveau père Joseph de la Ve République, le confident, l'homme des basses œuvres du général de Gaulle, etc. Gabonaise de mère, française de père, elle s'appelle Elf Gabon. Grâce à Elf Gabon et à leur loi, nous avons eu des hôpitaux, des usines, des routes, des maisons modernes. Comment est-ce qu'on travaille sur un personnage comme celui-là, qui a, on imagine bien, cloisonné certaines parties de sa vie? Alors, à quelle source vous avez eu accès? Quels que soient les personnages, je travaille toujours de la même façon. Dans un premier temps, j'essaie de collecter tout ce qui existe. Moi, je respecte les travaux qui ont été faits avant moi. Au point de vue livre, il n'y avait rien. Il n'y avait rien avant moi. Enfin, en tout cas, pas grand-chose. Et après, je crois que tout le monde fait pareil. On essaie de trouver d'abord les ennemis. Hein. J'ai trouvé, évidemment, des gens qui n'aimaient pas Focard, qui, d'une façon ou d'une autre, avaient, à un moment donné de leur vie, travaillé avec lui. Morichaud-Beaupré, par exemple. Morichaud-Beaupré a été une de mes grandes sources. Alors, qui est-ce ? Il était totalement dans le système Focard, hein, et avait fait des missions très importantes avec Fulbert Youlou, le curé du Congo. Et puis sur le Biafra, hein. Et il m'a emmené chez Jacques-Raphaël Legge, qui était un des grands ambassadeurs de ce qu'on appelle aujourd'hui la France-Afrique. Hein. Ambassadeur en Côte d'Ivoire. Et ils m'ont déblatéré sur Focard à fond, et essayé de faire en sorte que je voie des gens qui avaient connu Focard. Donc je dis pas que j'avais peur, mais je faisais attention, parce que au fil du temps, j'avais compris que ça avait été, et c'était encore un personnage important. Et qui avait monté tellement de coups. Alors, évidemment, j'ai pas dit, mais j'ai rencontré évidemment beaucoup d'Africains qui, d'une façon ou d'une autre, avaient été en rapport avec Focard, ou plutôt avaient été victimes du système Focard, hein, puisque c'était le patron, en tout cas du Gabon, c'était totalement Focard, hein, ou les hommes de Focard. Est-ce que les victimes ou les ennemis sont de meilleures sources que les amis? Non, j'ai pas dit de meilleur. Il faut faire très très attention aux gens qui sont ses opposants. Vous savez, je fais pas partie des journalistes qui se plaignent quand ils ont été intoxiqués. J'estime que je ne travaille que dans une ère manipulatoire. Et donc, si je me fais avoir, c'est pas le problème de la personne qui est en face de moi, c'est mon problème. Et évidemment, quand on enquête sur Focard, on est dans l'ère manipulatoire maximale. Interactualité, 3 novembre 1960. À Genève, enquête difficile sur la tentative d'empoisonnement dont a été victime le leader camerounais Félix Mounier. Celui-ci est toujours dans le coma, à peine en est-il sorti hier pour quelques instants. On sait maintenant que Félix Mounier a été empoisonné, tout vulgairement, avec de la mort au rat, probablement au cours d'un repas qu'il fit avec son secrétaire, africain comme lui, et une mystérieuse jeune femme brune, laquelle s'est depuis littéralement volatilisée. Elle aurait, semble-t-il, gagné Paris en emportant ce que Félix Mounier appelait sa valise diplomatique, une sacoche bourrée de documents politiques. Les enquêteurs pensent donc, comme d'ailleurs la victime elle-même, que la cause de l'empoisonnement est toute politique. Dans le livre d'entretien qu'il a publié à la fin de sa vie, entretien avec Philippe Gaillard, un livre qui s'appelle « Focard parle » en deux volumes, Jacques Focard répond à une question sur l'assassinat de Félix Mounier, l'un des quatre assassinats sur lesquels vous avez travaillé, Karine Ramondi, et il déclare assez simplement « Les archives répondront un jour à votre question ». Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que les archives répondent à ces questions sur l'assassinat de Félix Mounier? Alors, je crois qu'il parlait des siennes quand il a dit ça. Et je crois pouvoir dire que non. En fait, clairement, on n'a jamais trouvé quelque chose qui donne un feu vert à l'assassinat de Félix Mounier. Par contre, il y a deux recoupements qui peuvent évidemment nous donner à penser que le gouvernement français, notamment Focard, est largement impliqué dans l'assassinat de Félix Moumié. Premier recoupement, dans ses archives, je trouve une lettre, un carbone d'une lettre de la femme de Moumié, Marthe Moumié, qui elle lui adresse. On est en septembre 60, si je me souviens bien. Et ce carbone, c'est un carbone que j'ai aussi trouvé aux archives de Berne, qui faisait partie des documents qui ont été saisis au moment où Moumié est hospitalisé, entre la vie et la mort, agonisant. Et je me dis, mais comment Focard peut disposer de cette lettre alors que c'est une lettre qui est confidentielle, qui est personnelle et qui a été saisie au moment où Moumié est entre la vie et la mort. Focard possède une copie. Une copie. L'origine. Enfin, ce n'est pas une copie puisque c'est exactement l'équivalent de ce que moi j'ai trouvé, qui est une copie carbone, premièrement. Bon, déjà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en fait... À la fin de ma thèse, je lis un article dans Le Monde, et en fait c'était une archive qui avait aussi été exposée dans aux Invalides, il y avait une exposition sur le secret d'État, et c'est une archive assez intéressante, elle date du 1er août 58, c'est une note du SDEC en fait, qui est adressée à Jacques Focard, et qui évoque un sujet allemand, Wilhelm Schulz-Lelum, qui réside à Tétouan et qui a organisé une filière de désertion pour les légionnaires français qui souhaitaient renoncer à la guerre d'Algérie. Et je lis attentivement cette archive, elle ne concerne absolument pas mon sujet d'étude, mais je lis qu'un contact commercial a été établi avec lui, donc avec ce fameux sujet allemand. L'objectif du contact, c'est d'attirer l'homme dans un lieu favorable et de le traiter discrètement par un toxique indétectable et à effet différé. C'est ce que dit l'archive. Et l'intérêt de cette archive, c'est qu'il y a une mention de Jacques Focard, reçu le 3 août, et donné mon accord de principe. C'est donc un cas rare d'un feu vert de Jacques Focard donné pour une mission homo, donc pour une mission homicide. Pourquoi est-ce que ce feu vert d'août 58 vous sert à faire des corrélations avec l'assassinat de Félix Moumié quelques années plus tard, donc Félix Moumié, opposant camerounais? Alors, c'est sur le procédé, déjà, sur le procédé d'approche, sur la traque. Et donc, par analogie, je commence à creuser sur cette affaire et je vois des personnes ou des personnalités qui sont inquiétées de la même façon. Et avant de régler le cas de Félix Moumié, Bechtel est déjà un agent impliqué dans les réseaux sur le FLN algérien. Bechtel ? Alors, William Bechtel, il est chargé d'approcher Moumié. On est au milieu des années 50 et il se fait passer pour un journaliste acquis à la cause de l'UPC et donc de Félix Moumié, qui cherche évidemment des fenêtres médiatiques, donc qui le reçoit plusieurs fois, qu'il va rencontrer donc en 60 à Genève. Et Bechtel va organiser donc l'assassinat. Alors, on peut le dire aujourd'hui parce qu'en fait, on a retrouvé des carbones chez lui. Il ne dit pas clairement qu'il va aller assassiner Moumié, mais on sait qu'il donne rendez-vous à une personne dans un restaurant, qu'il va essayer de régler le problème. Donc en fait, tout est toujours en très allusif. Mais enfin bon, aujourd'hui, voilà, on sait bien que c'est ce qui s'est passé concrètement. Et ce qui s'est passé concrètement n'était pas vraiment prévu, puisque Moumié était censé ingérer uniquement une fois le poison, qu'il l'aurait ingéré deux fois et que donc son effet a été plus rapide. Donc il a été pris en charge à Genève à l'hôpital, ce qui n'était pas prévu puisqu'il devait retourner en Guinée-Conakry et ça aurait dû donc arriver sur le territoire guinéen. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. Écho d'Afrique, RFI, 12 février 1995. Je voulais vous poser une question à laquelle vous répondez seulement à moitié dans votre livre, aux entretiens avec Philippe, concernant deux disparitions de leaders politiques assez connus et que les Africains ont beaucoup connues dans les années 60. Je pense à l'affaire Bemarka en 65 et l'affaire Moumié en 60, si je ne me trompe pas. affaire au mommier ou le mythe africain, en tout cas, oui. dit que vous étiez impliqué. Ou que le SDEC était impliqué. Ah ben, ce que je peux dire de façon catégorique, c'est qu'en ce qui concerne Ben Barka, je l'ai appris à la radio et que j'ai appris aussi peu de temps après que Focard était au parfum. Ça, c'est tout à fait, alors, tout à fait faux. C'était un secteur, le nord de l'Afrique, je m'en suis jamais occupé. En ce qui concerne Mounier, bien sûr, j'étais au courant, mais sans plus, quoi. On dit que vous avez... Qui, dans ce cas, pouvait donner l'ordre? Il y a les services spéciaux. À cette époque, était-il possible que les services spéciaux prennent l'initiative d'eux-mêmes? Sans que vous soyez consulté. Sans que le général soit consulté ou vous-même? La personne qui a été inculpée, Willem Bechtel, dans ce cas-ci, était un membre du SDEC. Oui. J'imagine qu'il agissait sur ordre, plus ou moins. Je le crois, oui. Il n'y a aucune mention, aucun document direct ayant trait à la mort de Félix Mounier dans le fond. Alors évidemment, on peut penser qu'il a pu y avoir un nettoyage. Focard a en grande partie pris le soin de sélectionner des archives. Alors, pas comme on le croit, quand est-ce qu'il effectue son instant de sélection d'archives? C'est en plein 1968. Quand il est convaincu qu'il est face à une situation quasi insurrectionnelle, et qu'il décide à ce moment-là d'aller cacher auprès d'un de ses hommes de confiance l'équivalent de 5 liasses, qui, une fois classées, représentent un mètre linéaire. C'est assez peu sur l'ensemble, mais 5 liasses d'archives, qu'il s'amuse d'ailleurs à déclasser, à mélanger pour qu'elles soient illisibles. Il s'agit en fait des documents qui, de 1958, en gros, à l'élection présidentielle de 1965, représentent les dossiers à ses yeux les plus sensibles. Alors qu'est-ce qu'on trouve dedans? Le dossier d'enquête interne du SDEC, donc des services secrets sur l'affaire Ben Barka, des écoutes qu'on appelle les fichiers Z, des écoutes téléphoniques qui sont faites sur différentes personnalités, dont François Mitterrand en 1965, des listes d'officiers du service action ou de l'armée à épurer au lendemain de l'affaire du putsch des généraux ou de l'indépendance de l'Algérie, ses relations en partie avec la direction des services action, etc., etc. Il les confie en fait au professeur Vic Dupont, qui est son médecin personnel, qui est lui-même un ancien des réseaux de la résistance, et il lui dit de les garder en l'état et d'attendre qu'il vienne les rechercher. En réalité, il les a laissés dormir, c'est devenu un héritage familial, et les archives nationales les ont retrouvés à la suite d'une enquête liée justement au classement du fonds Focard en 2014, et on a exhumé comme ça les documents tels que Focard les avait liassés, on a recomposé les dossiers tels qu'ils étaient avant que Focard les déclasse, on a réussi à rendre une clé de lecture. Ce que je veux dire par là, c'est que les destructions ou les distractions, qui sont déjà deux phénomènes différents de contournement de l'histoire ou de la source, eh bien, ne sont pas toujours là où on les attend. Tout le monde s'attendait à cette pièce sur Mounier, en réalité, les vrais documents distraits, ce sont ceux de mai 68. Est-ce que la réponse se trouvera dans les archives de M. Focard? Moitié, parce que je n'ai pas je n'ai pas une possibilité de répondre tout à fait. Je considère qu'il y a des choses qu'on ne peut pas encore, qu'on ne peut pas sortir. Bechtel a été arrêté. Il a été jugé. Pour l'assassinat de Félix Mounier. Il n'a obtenu un non-lieu, ce qui est tout de même plutôt honorable. Et il va même aller, c'est ce que j'ai trouvé dans son dossier ensuite à Vincennes, à la suite de cette affaire, qui est donc une affaire classée, bon, je n'ai jamais réussi à retrouver le dossier d'instruction à Genève, puisqu'il a disparu. C'est ainsi que le procureur de la République a répondu à mes multiples demandes de consultation. Il n'a pas disparu, en fait, il est déplacé, mais on ne sait pas où il est. Eh bien, il va demander la Légion d'honneur, qui lui sera refusée, mais pour une question administrative. Donc, c'est dire qu'on est dans une logique où Bechtel a l'impression d'avoir agi pour la France et que Mounier était un terroriste et qu'il fallait l'éliminer. Bechtel n'a jamais, par exemple, reconnu ce qu'il a fait, bien sûr, mais il avait une très haute opinion du général de Gaulle et il a toujours dit qu'il aurait pu donner sa vie. Donc il y a vraiment un jusqu'au boutisme chez ces hommes. On retrouve cette approche systématiquement déclinée à toutes les échelles, hein, de l'échelle de commandement jusqu'au à l'honorable correspondant ou celui qui va accepter une mission en tant que réserviste, qui lui permet d'ailleurs de ne pas porter de responsabilité politique en tant que telle, s'il est arrêté. Et c'était donc extrêmement confortable pour ces réseaux Focard d'agir par ce type d'intermédiaire. Focard est donc devenu un personnage de légende, un peu peut-être une légende noire, qui est associé... C'est très drôle parce que le mot noir disparaît au fil du temps. Quand j'entends parler de Focard aujourd'hui, on parle plus beaucoup des exécutions qui ont été faites ici et là de Camerounais, des uns et des autres. On parle seulement du grand monsieur Afrique, hein, du général de Gaulle. Mais le côté noir, je trouve qu'il est moins fort qu'il l'était, en tout cas, au moment où moi j'avais travaillé dans les années 80. Mais est-ce que ça ne vient pas justement du classement et de l'ouverture des archives qui ont permis de vérifier un certain nombre de choses et peut-être de... non pas dégonfler oui, une outre vide, mais de remettre certaines choses à leur place. Je pense que les archives ouvertes ont tempéré le personnage que j'ai décrit, oui, c'est vrai. Oui. L'idée d'un système opaque et pyramidal bien organisé, c'est justement ça qui est lentement remis en cause. Opaque certainement, bien organisé, c'est pas sûr du tout. En réalité, on s'aperçoit que chaque maillon de la chaîne dispose d'une marge de manœuvre gigantesque, qu'on ne veut pas savoir ce qu'elle fait, et qu'au fond, elle peut changer aussi ses orientations, ce qui ne déporte pas les responsabilités, mais ce que je veux dire, c'est que chaque étape crée de nouveaux écosystèmes, et là-dedans, un des points d'équilibre qu'on a trop peu évoqué, ce sont certains partenaires africains, comme le président Houphouët-Boigny ou le président Omar Bongo, qui eux-mêmes savaient jouer de cet espace interlope. Et donc, il n'y a pas de système, au sens... d'organigramme caché avec un ordre secret sur lequel on a dressé un écran de fumée. Je le dis parce que ça permet à Focard, qui a cette vision-là du réseau, de dire avant de mourir, les réseaux Focard n'existent pas. Parce que dans son esprit, les réseaux Focard auraient été des réseaux tels que lui les a pratiqués dans la résistance, c'est-à-dire des cellules clandestines parfaitement huilées, avec chacun qui avait son référent, chacun qui avait sa mission exécutée, et que tout ça était un cloisonnement qui aboutissait à un objectif final déterminé, parfaitement piloté. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y avait énormément d'informations qui venaient à lui sans qu'il l'ait à le solliciter. C'est-à-dire que je m'attendais à quelqu'un qui demande des notes, qui agit, fasse agir ses réseaux, mais de façon écrite, sollicite. Et j'ai surtout trouvé beaucoup de gens qui écrivent spontanément pour demander des choses, pour faire des points, et en même temps sollicitaient quelque chose parfois, un don contre don, on va dire. Et ce qui m'a aussi étonnée dans le personnage, c'est qu'il semblait très attentif justement à répondre aux attentes de ce réseau d'informateurs un peu informel. Et cette absence d'ordre ou de demande écrite de Focard, on peut penser qu'elle s'explique par l'abondance d'ordres oraux, de conversations, de choses informelles, de coups de téléphone. Tout à fait. C'était évidemment sa façon de fonctionner, on va dire, en toute confidentialité. Alors voilà, ça c'est un vrai, vrai, vrai problème. Et que j'ai toujours eu avec les historiens, hein, sur un certain nombre de sujets, dont celui de Focard. Évidemment, Focard fait des notes au général de Gaulle, fait des notes tout à fait officielles, il est à l'Élysée, il a un bureau, il a tout, bon, ok. Mais quand vous connaissez les gens des services secrets, sur les choses les plus secrètes, il n'y a pas de papier. Ça n'existe pas, les papiers. C'est des choses qui sont uniquement d'abord que 2-3 personnes, hein, parce qu'au-delà de 4 ou 5, tout le monde sait que ça se diffuse, hein, et creule l'oreille, c'est tout. Donc ce qui est très très compliqué après pour écrire, hein, pour faire tuer quelqu'un, une action au mot, ça laisse pas de trace écrite. Hein. Même après Focard, c'est seulement la parole du chef des services secrets au président de la République qui ne dit pas un mot, mais qui ne refuse pas, c'est tout. Donc il n'y a pas de trace écrite de ça. Et donc beaucoup de choses de Focard n'ont pas de trace écrite. Le principal objet de travail pour Focard, c'est son téléphone. D'abord à cause de l'éloignement géographique logique avec ses interlocuteurs africains. le premier d'entre eux étant Oufouette, puisqu'on sait qu'il faisait un point téléphonique à minima hebdomadaire le mercredi sur un tour d'horizon de la géopolitique africaine, mais aussi avec toute autre forme de correspondant. Alors on dit qu'il n'y a aucune trace. Oui, techniquement, il n'y a aucune trace de coup de fil. Sauf que on a deux types d'archives qui éclairent un peu ce réseau téléphonique. Le premier, c'est assez bêtement les agendas téléphoniques qu'il avait, c'est-à-dire avec tous les numéros de téléphone de ses correspondants, les adresses où les toucher. Et on découvre comme ça que beaucoup de personnes allaient et venaient pour passer des coups de fil, soit dans les bureaux de Focard, soit au contraire dans d'autres endroits, ce qui fait qu'on arrive à tisser un peu sa toile. Et puis deuxièmement, c'est un truc très bête, le fait que Focard n'était pas toujours derrière son téléphone. Et que quand, par exemple, le chef du service Afrique du SDEC, l'ancêtre de la DGSE, cherche à l'appeler pendant une période de crise et qu'il n'y a personne, eh bien le chargé de mission qui récupère l'appel téléphonique retranscrit la conversation. Et donc laisse un papillon à Focard en disant « Le colonel Robert vous avertit de tel événement au Congo, prière de le rappeler, il fait état de tel et tel événement, etc. » Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'encore une fois, si on imagine les archives comme des traces un peu de fossiles et qu'on joue un peu à l'archéologue dans le fond, on arrive au contraire à se balader petit à petit dans ce labyrinthe, dans ces 400 mètres linéaires de labyrinthe de papier. Maintenant, est-ce que les archives font preuve, encore une fois, ni plus ni moins avec Focard que pour n'importe quel autre fonds d'archives? Jacques Chaban-Delmas, Assemblée nationale, 28 avril 1959. Mesdames, messieurs, votre Assemblée vient d'éprouver un deuil cruel. Barthélemy Boganda, qui représentait parmi nous la République centrafricaine, dont il était le premier ministre, a trouvé une mort tragique dans un accident d'avion. Son idéal fut d'abord d'élever ses compatriotes à la dignité de citoyens libres, de faire disparaître de la société africaine, sans violence, par des moyens légaux et par l'utilisation du bulletin de vote, toutes les traces de la période de colonisation. Ce qui m'a aussi intéressé, c'est ce que certaines archives m'avaient permis de mettre en lumière, notamment sur l'accident d'avion de Boganda. Je voulais savoir quel était le lien entre Boganda et Focard. Et j'ai rien trouvé de vraiment précis sur la Centrafrique, si ce n'est des lettres qui étaient des lettres après la mort de Boganda et qui étaient des lettres assez intéressantes ou des échanges au sujet de Madame Boganda. Alors là, j'avoue que j'avais moi-même trouvé pas mal de choses, mais ces lettres avaient pour objectif de régler le problème de la pension de Madame Boganda suite à la mort de son mari et la façon dont on allait gérer Madame Boganda dans l'après-accident d'avion. Et donc, il y avait des échanges sur combien on allait donner, combien elle recevait de pension, qu'est-ce qu'on allait faire de son cas. Avec aussi le sort des enfants de Boganda qui sont devenu pupille de la nation ? Oui, exactement, tout à fait. Mais alors à partir de sources comme celle-là, le travail d'interprétation de l'historien commence. Le fait que Focard s'occupe du sort de Madame Boganda et des enfants de Barthélemy Boganda, qu'est-ce que ça prouve ou qu'est-ce que ça peut amener à penser ou à élaborer comme raisonnement historique ? Ce qui est surtout étonnant, c'est que Madame Boganda cherche à contacter Focard, déjà. Enfin, on peut être en droit de s'étonner de cette démarche. Il ne s'agit pas d'extrapoler en se disant, voilà, la France est responsable de la mort de Boganda, donc elle essaie de compenser. C'est des schémas trop binaires. Je pense qu'en fait, ce que moi j'ai tenté de faire à travers la relecture du dossier d'accident d'avion notamment et les archives que j'ai pu consulter, c'est d'essayer d'historiciser le fait au maximum. Et donc de mettre là encore des archives en synergie. J'en tire quelques conclusions qui sont des conclusions intermédiaires sur le fait que le dossier a été, enfin cette commission d'enquête a été une commission d'enquête rapidement menée pour tout un tas de raisons politiques, personnelles, de politique interne, de politique externe, qu'il y a des explications techniques qui sont tout à fait plausibles, que certains aspects du dossier n'ont pas été exploités, notamment les témoignages des locaux, de ceux qu'on appelait à l'époque les indigènes, il n'y en a aucun. mais il s'agit en aucun cas d'extrapoler parce qu'on trouve ça. Et je crois que justement, c'est là où il y a une vraie différence entre le travail d'historien et de journaliste. C'est que l'historien va rester, on va dire, sur un constat. Il va peut-être poser un petit jalon, mais au moins ce jalon sera solide. Et ce jalon permettra, pourquoi pas, d'être réinterprété là aussi ou réutilisé par d'autres historiens. Mais il ne s'agit pas de faire un coup d'État ou un coup médiatique. Il s'agit vraiment de construire la connaissance et le savoir. Entre secrets, sources et fantasmes, les historiens et le cas Focard. Merci à Karine Ramondi. L'honneur de faire un travail d'historien, c'est aussi de respecter cela, en fait, de respecter cette distance et d'être capable de trouver les justes mots quand on rédige, ce qui n'est pas une évidence non plus. Merci à Frédéric Turpin. La thèse de ce livre, en tout cas une fois qu'il a été écrit, est de dire clairement que si Jacques Focard est un salaud, c'est un salaud d'État. Parce que Jacques Focard est représentatif d'une certaine époque, d'une certaine manière de concevoir la politique qui met en avant beaucoup plus la notion de légitimité que de l'égalité. Merci également à Jean-Pierre Batte. Le fonds Focard n'a de sens qu'à la lumière d'autres fonds d'archives. Et c'est cette espèce de complexité de la France-Afrique qu'on a essayé de restaurer tout en respectant ce à quoi ressemblait l'activité quotidienne du secrétaire général. Et s'il y avait un vœu à formuler sur l'exploitation de ces archives, ce serait quand même que ce soit au maximum avec un partenariat avec des chercheurs et archivistes africains au maximum. Ça, ce serait la meilleure chose. Et merci à Pierre Péan. J'ai beaucoup d'archives. J'ai des archives de la famille, des archives du SDEC, des archives... Et qu'est-ce que vous allez en faire, vous, de ces archives, Pierre Péan ? Je sais pas encore. Vous êtes allé, par exemple, au fonds Focard, aux archives nationales ? Non, maintenant, ça vous a... c'est fini, c'est un sujet terminé. Hein. Ouais. Et je pense que les archives de Focard pourraient être complètes. Ah oui, c'est peut-être une idée, ça. C'est peut-être une idée. Prise de son, Arthur Gerbeau, Youtou Diego Aclopez, Dofar Guéride et Mathieu Tourin. Mixage, Cédric Châtelu. Un documentaire de Victor Massé de Lépinay, réalisé par Marie-Laure Ciboulet. Voilà, si vous voulez réécouter ce documentaire, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. Et également nous écrire sur notre adresse mail, donc le courriel de la Fabrique, fabrique@radiofrance.com, fabrique@radiofrance.com. Demain, nous continuerons cette courte série de la Fabrique autour du secret en nous intéressant au secret de la diplomatie romaine, la Rome républicaine et la Rome de l'Empire.